mon fils. Je crois qu'il est pas trop tard pour t'écrire. On regrette souvent de ne pas avoir eu le temps de dire aux gens un tas de trucs avant qu'ils meurent. Je profite du fait que t'aies pas encore été imaginé pour te balancer 2-3 trucs. T'en feras ce que tu veux. À l'heure où je t'écris, je suis dans un appart que j'ai acheté il y a 6 mois. Y a toujours rien sur les murs parce que j'en ai rien à foutre et que je veux être prêt à me barrer à tout moment. J'ai toujours rêvé d'habiter dans un appartement témoin et maintenant ça se réalise. Je me nourris essentiellement de surimi, de cordon bleu et de trucs industriels parce que j'adore ça. Et emmerde ceux qui vont te dire ce que tu dois manger. Fais ce que tu veux. Le monde est à toi, tu vas le façonner à ta manière et quand t'auras compris que tout ce que tu veux avoir, tu l'auras, s'il te plaît. Et un peu de décence pour ceux qui n'y arriveront jamais. Sois un homme toute ta vie, respecte les femmes même quand tu les comprends pas. Et garde en tête que celle qui t'a mise au monde se couperait 3 bras pour que tu gardes tes 10 doigts. Il y a un paquet d'enculés qui vont te dire que je suis qu'une merde et que vu mon passé, j'ai aucun conseil à donner. Les écoute pas. Apprends à écrire correctement et comprends que l'écriture sera le seul remède à tous ces chiens qui te mettront des bâtons dans les roues. L'instru que t'entends actuellement, c'est du très très lourd. J'espère que t'écoutes du rap. C'est important le rap. La techno te fera planer pendant que tu conduis la nuit. Le reggae te donnera envie d'être noir ou d'avoir connu Bob Marley. Le rock te rappellera ton grand-père. La funk ton oncle. Et le rap devrait te faire prendre conscience que ce que t'entends, t'aurais pu l'écrire toi-même avant. Le tas de gauchistes aux pectoraux frêles qui te sert de prof t'enduira de merde à longueur de journée pour que tu penses comme eux. Encore une fois, c'est toi le maître de ta vie. Mais personne n'a le droit de te dire ce que tu veux. Même si un jour t'as la chance d'avoir une chaîne YouTube comme moi et que les gens te feront des compliments et des reproches. La valeur de ton aide se mesure le jour où t'as plus rien. Quand t'es à la rue et trop fier pour demander de l'aide. Quand t'es en face du miroir et que tu pleures pour X raisons. Quand t'arrives pas à dormir parce que le plafond t'observe. Quand t'as tellement de questions que tes cernes te trahiront le lendemain. Quand tu serres la main, serre fort et regarde dans les yeux, c'est important. Quand on cherche la merde et que tu sens tes genoux et ta gorge se contracter, ton front devenir froid et les mains qui tremblent, tape en premier. Mets toute ta force, même si tu perds, t'auras participé. Et quand tu le recroiseras, ce sera un jeu d'enfant. Mais n'oublie pas que le pardon est plus difficile et plus important que la haine. Rares sont ceux qui se meurent sans regret. Pardonne, prends du recul, apprends de tes erreurs et entoure-toi. T'as à peu près 10 tontons, un de sang et les autres de cœur. Ce sont mes potes et mon frère. Ils m'ont aidé dans toutes mes galères et vice versa. Se marrent tout le temps et t'ont couvert de cadeaux jusqu'au moment où t'as été assez grand pour comprendre ce texte. Protège leur fille, quelle que soit la raison, jusqu'à ta mort. Habille-toi de marque et exige le dernier smartphone à la mode. Vu comment c'est parti, t'as plus de chances de vivre la tête baissée que levée. Profites-en pour le faire sur un joli écran. De toute façon, je te l'achèterai. Ton père est comme ça. Il exige le meilleur, tout le temps, sans arrêt. Tu verras que c'est plus agréable de chialer dans un canapé à 2000€ que dans une tente sur le bord du périph. Ceux qui te diront le contraire, tu leur vendras du shit. Pas longtemps. Mais juste assez longtemps pour que tu comprennes que dans la vie, il y a les vendeurs et les acheteurs. Toi, t'es un vendeur. Apprends aussi le premier degré, il est plus important que le premier. Et quand t'auras rencontré assez de gens comme toi, ils te parleront de la loi de l'attraction. Et là, tu comprendras. À bientôt.